Que ce soit pour le démarrage, l'acquisition ou le développement de votre entreprise, la SADC Maria Chapdelaine peut vous aider à réaliser vos projets. Notre équipe est là pour vous aider à valider une occasion d'affaires, faire un montage financier, rechercher du financement et même participer à ce financement dans certains cas. Contactez-nous au 276-0405 ou encore via le www.sadcmaria.qc.ca. La SADC vous rappelle l'importance de soutenir nos entreprises locales. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. 1, 2, test. 5, 4, 3, 2, 1, 0. C'est la chronique du retour de la fin de semaine avec notre ami Hugues Fouché du site lebisnfl.com. On va parler également de la NCAA. Salut Hugues! Salut, ça va bien, Danny? Oui, ça va bien, Hugues. C'était une fin de semaine, évidemment, un petit peu moins intéressante que l'autre semaine. Écoute, c'était dur quand même à avoir une meilleure semaine. Écoute, il y avait trois matchs qui pouvaient être le match de la semaine. Oui. Mais on va regarder les matchs qui ont eu lieu en fin de semaine dans la NCAA tout d'abord. Ce qu'il faut encore noter, c'est qu'Oklahoma, encore une défaite en fin de semaine pour Oklahoma. Oui, effectivement. Oklahoma qui, la semaine dernière, avait échappé le match et puis là a perdu contre Iowa State. Donc, un adversaire qu'ils avaient dû... Oui, exactement. Un adversaire qu'ils auraient dû battre normalement, je dirais pas facilement, mais quand même avec un certain confort. Et là, ils se sont vraiment fait... surprendre. Leur jeune carrière, Rattler, a quand même joué un bon match, mais c'est ça. Donc, encore une fois, la défensive les a laissés tomber, puis ils se sont vraiment fait surprendre. Et là, ils sont 0-2, donc ça veut dire une victoire, deux défaites. Ils vont sortir probablement d'une participation maintenant au moins dans un bowl, dans un gros bowl. Hein. Ils vont être sortis du top 25 facile. Là. Absolument. Et tout à fait. Et le pire, c'est que Texas, pour qui la porte était ouverte, qui sont dans la même conférence, eux aussi se sont fait battre. Oui, 33-31. Donc, eux avaient une opportunité incroyable, là, finalement, de peut-être pouvoir gagner le Big 12. Mais là... avec cette défaite-là, c'est loin d'être sûr, hein? Fait que on dirait que personne ne peut gagner cette conférence-là. Effectivement. Donc, ils se sont fait surprendre. Et évidemment, le match qu'on a vu plus en détail, c'était sur TSN et ESPN, Auburn contre Georgia. C'était plaisant de voir du monde. Oui. Hein? C'était plaisant de voir du monde. Il y avait bon 20-25 000 personnes facilement. Georgia qui a défait Auburn, qui n'a jamais été vraiment dans le coup avec Bo Nix au poste de garde. Non, tout à fait. Effectivement, c'est vrai que c'est un bon point. Voir des gens dans les estrades, il y avait pas mal de monde, c'était le fun. Et puis, écoute, Georgia, quelle défensive incroyable. Hein? Eux, c'est une équipe complète. 27-6 qui ont gagné. Ouais. Et puis, écoute, il y a une histoire qui est le fun, c'est que le... Stetson Bennett, qui était leur corps arrière, n'était pas supposé être le corps arrière partant. Hein. C'est B.J. Daniels qui était supposé. Daniels s'est blessé avant la semaine 1. Et puis là, Bennett vient de remporter deux belles victoires. Alors, qu'est-ce que va faire Georgia? Est-ce qu'ils vont continuer avec Bennett ou est-ce qu'ils vont faire jouer le transfert de USC, là, B.J. Daniels, qui était supposé être leur corps partant? Très intéressant, mais très bonne équipe. Écoute, dans le SEC actuellement, là, évidemment, Alabama est un petit peu intouchable. Eux ont gagné 52-24 contre Texas A&M, d'ailleurs. Mais je te dirais que Florida et Georgia ont des sacrées bonnes équipes aussi. On pourrait avoir deux équipes du SEC dans les séries de la NCAA cette année. J'en serais pas surpris du tout. OK. On va y aller maintenant avec la NFL, les Pats, pas les Pats, mais hier, les Buccaneers de Tampa Bay l'ont emporté assez facilement dans un bon match de football contre la formation des Chargers de San Diego. Et Tom Brady, 5 passes de toucher. Incroyable dans ce match-là. Ah oui, hein? Écoute, il a prouvé que son bras était revenu, là. Tout à fait. Ah oui, non, absolument. Et puis, écoute, c'était un match qui était le fun, puis... à cause de l'affrontement aussi entre la recrue Justin Herbert. Oui, il est un des bons carrières de la NFL. Oui, il a très bien joué en passant. Oui, Et écoute, c'était drôle, Danny, parce que Ebert est né en 1998. Ouais. Alors, cette année-là, Tom Brady était à sa saison junior avec Michigan, les Wolverines de Michigan, imagine. Hein? Et quand Brady a commencé en NFL, Ebert avait 2 ans. Donc, la différence d'expérience entre les deux était incroyable. Par contre, le talent est là dans les deux cas, puis ça a donné un super bon match de football. Brady, 5 passes de toucher. Et puis, écoute, Justin Herbert, 20 en 25, 290 verges, 3 passes de toucher. Il a tout fait pour essayer de gagner le match pour son équipe. Et les Chargers ont quand même réussi à rester dans le match. Là. Mon Dieu, que Brady a bien joué. Et mine de rien, les Buccaneers sont premiers dans leur division devant les Saints. Donc, et les Panthers qui sont à égalité à 2-2. Donc, je ne serais pas surpris à ce stade-ci qu'on voit les Buccaneers en série à la fin de l'année. Puis peut-être même comme champion de division, ça se peut fort bien. Là. Ben, c'est sûr, c'est sûr. Maintenant, ouais, aussi, ce qu'il faut noter également dans les autres matchs, les Raiders d'Oakland, les Raiders de Las Vegas recevaient les Bills de Buffalo. C'était un match quand même baromètre pour les Bills. Et Josh Allen a prouvé que... Écoute, je mentionnais ça là, depuis Jim Kelly. Il n'y a pas eu de grand cadre. Il y a eu Doug Flutie qui a eu deux bonnes années à Buffalo, qui était là au Pro Bowl. Drew Bledsoe, mais à part ça, il n'y a jamais eu de vraiment de bon carrière. Et Allen est en train de montrer des signes intéressants. Ah oui, tout à fait. Ça fait longtemps, eux, qu'ils attendent d'avoir beaucoup d'instabilité. Ah oui, oui. Ils ont un bon coach aussi. Là. Ils ont le combo avec McDermott et Allen. Là, qui pourrait effectivement, je suis d'accord entièrement avec toi. Là, écoute, ils sont une des deux seules équipes à 4-0 ce matin. Donc, parce que les autres équipes qui étaient à 3-0 n'ont pas joué. Donc, les Titans, les Steelers, les Chiefs n'ont pas joué encore, là, les Packers non plus. Donc, il y avait deux équipes qui ont monté à 4-0 en fin de semaine, dont eux. Et puis, honnêtement, je te dirais, effectivement, tu as raison, hein, ils sont extrêmement bons, ils jouent bien. Josh Allen, c'est un des meilleurs de la ligue présentement. La seule chose, moi, que je me dis à propos des Bills, là, c'est pas compliqué. J'ai une vieille citation de Bill Parcells qui disait une fois, alors qu'il était coach des Cowboys, et puis les Cowboys s'étaient fait massacrer, ben, s'étaient fait battre facilement par les Patriots un dimanche soir. Et puis après le match, Bill Parcells, et à l'époque, les deux équipes étaient invaincues. Puis Parcells avait dit, on est bon, mais on n'est pas rendu à gagner les gros matchs en prime time. Les Bills, ils sont rendus là dans leur développement. Ils sont extrêmement bons. Ils peuvent battre n'importe qui, mais dans les gros matchs, tu sais, les matchs de championnat, matchs... Ce qu'ils ont appris à gagner, c'est ça qu'on va savoir. Exact. Puis les deux gros matchs pour eux, ça va être le 8e puis le 15e, c'est-à-dire c'est Bills Patriots. C'est là que ça va jouer. Mais écoute, ils se sont donné une avance peut-être de 2 matchs parce que les Patriots vont devoir affronter les Chiefs sans Cam Newton ce soir. Donc, il est fort possible que les Bills là, aient 2 matchs d'avance. Ben, c'est déjà, je serais même prêt à les envoyer 2 points par la main avec Brian Hoyer au poste de quart. Un match qui avait lieu hier soir, mais Cam Newton a été testé positif, donc ils ne seront pas là au moins pour 15 jours. Donc, ça va retarder considérablement les Pats. Oui. Hey, Doug Prescott, premier joueur de l'histoire de la NFL, avec 450 verges jouées par la passe pendant 3 matchs consécutifs, et le club a 1-3. Ça a tout pris pour être 1-3. Là. Hier, contre les Browns, ils sont revenus, mais c'était trop tard. Oui. Écoute, c'est pas compliqué. Et Prescott, c'est pas de sa faute. Quand je regarde ça, les Cowboys ont la pire défensive de toute la NFL. 36.5, sais-tu quoi aussi? Ils sont les pires au niveau du ratio des revirements. Ils sont moins 7. Alors, écoute, c'est la recette pour perdre des matchs. Là, soit dernier en défense, puis mène la ligue là, à moins 7 pour les revirements, puis ton corps arrière aura beau lancer pour 500 ou 600 verges par match, puis tu vas perdre pareil. Alors, c'est pas compliqué. Les Cowboys donnent le ballon trop souvent à l'adversaire. Ils sont pas capables d'arrêter quoi que ce soit en défense. Alors, Prescott, hier, c'est 502 verges qu'il a lancé. C'est pas de sa faute. L'offensive est excellente, mais ils n'ont aucune défensive. Comme je te dis, belle trou de revirement. Donc, hey, il faut qu'ils. J'ai la statistique ici, là. C'est la première fois ils ont marqué 38 points, qui ont donné 38 points dans les trois premiers matchs. C'est la première fois depuis 1960. Première fois depuis 1960. C'est incroyable, pareil. Hein? Ah oui, oui, oui, non, non. C'est ils sont historiquement mauvais en défense. J'ai mis pour aller au Super Bowl. Là. Ça a besoin de changer en maudit. Oui, mais ils sont encore dans la course parce qu'ils sont à un demi-match de la tête, on ne sait jamais. Là. Puis, tu sais, ça va jouer dans les matchs intra-division dans cette division-là. Donc, s'ils sont capables de battre Philadelphie, ils devraient être en mesure. Là, mais ça se peut encore, mais honnêtement, jusqu'à maintenant, là, c'est comment gâcher des belles performances de ton attaque et ton corps arrière puis en donnant le ballon. Trop de revirements, puis écoute, il va falloir qu'ils corrigent ça. Moi, je vérifie les revirements, là, à chaque année, t'as 12 équipes qui font les séries, mais il va en avoir 14, mais il y en avait 12. T'as jamais plus qu'une ou deux équipes là-dedans que leur turnover margin, là, ou le... qui sont négatifs dans les revirements. Non, quand t'es négatif dans les revirements, tu fais pas les séries, c'est pas compliqué. Alors, eux sont moins 7. Alors, non, il faut qu'ils se corrigent, ça n'a aucun bon sens. Ils ont tellement de talent, ils peuvent pas. Je peux pas croire qu'ils vont pas se corriger. Puis ils ont un coach qui a déjà gagné le Super Bowl. Ouais. Que, en tout cas, moi, j'ai. Oui. Autre match, Minnesota qui a battu Houston, ce qui a amené le congédiement aujourd'hui de Bill O'Brien. C'était un des gars qui était nommé avec Dan Quinn et Adam Gase. Et c'est O'Brien qui a quitté. Un autre disciple de Bill Belichick, un autre élève qui manque. Belichick, McDaniel, ça n'a pas été un succès. Romeo Crennel, ça n'a pas été un succès. Matt Patricia, fort probablement que c'est sa dernière année, on pourrait dire, comme instructeur des Lions de Détroit. Belichick est excellent, mais pas, on dirait que c'est lui qui a la recette. Ben écoute, ses élèves à date, là, ça va pas fort. Charlie Wise, on va plus loin un petit peu avec. C'est remonté avec Notre Dame, je ne sais même plus ce qu'il est rendu. C'est pas. Il y en a juste un qui ça a l'air de vouloir bien aller, là, c'est à Miami. Mais encore là, on s'entend que c'est jeune, mais je trouve qu'il fait une bonne job. Là. Voyons, excuse-moi, j'ai oublié, j'ai un blanc de mémoire, j'ai oublié le nom de l'ancien coordonnateur défensif qui est rendu à Miami. Oui. En tout cas, peu importe, c'est pas extraordinaire à date, les disciples de Brian Flores qui est l'instructeur. Oui, Brian Flores, excuse-moi. Ouais. Oui, c'est ça. Donc, lui, jusqu'à date, mais encore là, il a, l'année dernière, il a fait une bonne job, mais tu sais, c'est vrai que les anciens adjoints de Belichick, c'est reconnu pour pas fonctionner très bien. Alors, puis pourtant, il continue d'être populaire. Ah, puis on a oublié avec les Giants. C'est l'ancien entraîneur des unités spéciales des Patriots actuellement, là, qui est le coach en chef des Giants. Et puis, au rythme où ça va, il va certainement finir l'année, là, mais les Giants ne gagneront pas beaucoup de matchs cette année. Lui, il va finir également. Et le dernier match que je voulais te parler, c'est Indianapolis, les Colts, qui sont une des surprises défensivement de la NFL cette année. Ah oui, c'est une défensive. Très, très coriace. On n'a jamais vu venir celle-là. Non, tout à fait. Écoute, ils sont très bons. Ils jouent du football complémentaire. Ils ont une bonne attaque au sol. Ils en font suffisamment. Écoute, ça va être une lutte à deux équipes dans cette division-là. Ça va être les Titans et les Colts. Et puis, ça va se rendre jusqu'à la fin. Moi, j'avais peut-être une équipe que je voulais te parler aujourd'hui. Ouais. Ça te dérange pas, les Panthers? Oui. Les Panthers qui ont gagné hier contre les Cards. Les Panthères, que je pense beaucoup de gens l'ont pas vu venir, celle-là. Moi, j'aime bien Teddy Bridgewater, le corps des Panthères. Là. Puis je vais t'expliquer pourquoi. Dans un à notre époque des stats avancées puis de fantasy football, Bridgewater, qui est un petit peu le Alex Smith d'état moderne, là, et ce genre de corps-là sont pas populaires, mais ce gars-là gagne des matchs depuis qu'il est dans la NFL. Il a une fiche gagnante en carrière, 24-14. C'est pas par hasard, parce qu'il sait quand faire les gros jeux. Il évite les erreurs. J'aime beaucoup sa façon de jouer. Et puis, sa façon de gérer les matchs. Et puis, hier encore, 31-21. Puis, tu sais, les Panthers, là, ils viennent de gagner leurs deux derniers matchs. Gardons un œil. Non, mais ils ne sont pas mauvais. Et puis, je ne serais pas surpris, moi, de voir cette équipe-là là, trouver une façon de peut-être de se faufiler en série comme meilleur deuxième. Je me méfierais beaucoup, puis j'aime ce qu'ils font. Puis là, hier, même sans Christian McCaffrey, ils ont gagné leurs deux derniers matchs. Alors, c'est une bonne équipe de football, puis Bridgewater a encore été très solide. Ça a pas, tu sais, si tu veux un corps pour du fantasy football, prends pas Bridgewater, là. Mais si tu veux gagner des games, ça peut être un bon corps. Puis est-ce que tu as écouté le dimanche soir? Dimanche soir, non, j'ai pas écouté Philadelphie San Francisco. OK, ben écoute, si tu me permets un petit mot là-dessus, c'est parce que je trouve ça tellement drôle parce que les Eagles la semaine dernière, tu te rappelles, ils ont pratiquement joué la nulle avec Cincinnati. En prolongation, Doug Peterson a pris une décision qui a fait beaucoup jaser, c'est-à-dire qu'au lieu d'y aller pour le placement en situation de long placement, il était en situation de placement, ils ont eu une punition, ils ont reculé de 5 verges. Là, il était rendu un placement d'environ 58-60 verges. Et plutôt que de tenter le placement, il a dégagé le ballon avec environ 20 secondes à faire. Okay. Et il a comme concédé la nulle. Et les Bengals ont pas non plus tenté. T'sais, les deux équipes se sont contentées de jouer nulle. Et là, tout le monde disait « qu'est-ce qu'il fait? » Mais dans un contexte où il n'y a personne qui a plus qu'une victoire dans sa division, c'était pas fou de la part des Eagles. Puis aujourd'hui, les Eagles sont en première place parce que la semaine dernière, Peterson a joué un petit peu à l'extérieur du livre, là, puis a accepté de... Alors, je voulais le souligner parce que finalement, écoute, c'est sûr qu'à 1-2-1, t'es pas supposé être premier de ta division, mais non, là, mais c'est ben, les Eagles... C'est Dallas qui tire pas comme c'est leur division, mais ils veulent pas la prendre. Hugues, on s'en reparle lundi prochain avec cette compte, le tour de la NCAA et de la NFL. Oui, absolument, avec plaisir. Hugues Fouché du site internet lebetsnfl.com.